régler les comptes. Oh, les carreaux. Les anonymes sortent de l'ombre. Dos, c'est le veto. Les bras croisés au petit matin se courent. Ils sont hauts les drapeaux. Toute votre force est dans le nombre. Chaud, il va faire chaud. C'est maintenant qu'on va régler les comptes. C'est maintenant qu'on va régler les comptes. C'est maintenant qu'on va régler les comptes.